andra där vi bor. La beauté quand on peut créer ici et maintenant pour l'instant, s'autoriser un instant de pause création. Contemplation. Putain, quand on sera tranquille, posé. Putain, c'est quand on sera tranquille, posé. Putain, c'est quand. Pas maintenant, vraiment. Faudrait putain. Ici et maintenant, on se pose tranquille, reposé comme dans un musée, comme une faille, se poser tranquille. Trop tard, trop tard. Nous cherchons à nous organiser. Not alone in the forest. Needing to restore my reason not existing. Not alone. In this forest, need to restore, my rhizomatic existence. What do you think about your rhizomatic existence? Asia. Rhizomatic existence. I don't know if you understand me. I'm doing here and now, and I do it, and I do it here and now. You're my with you. Vers la zone en dehors de nous, nous avons besoin des uns des autres. Let's check out our life, cooperate. Les projets, les inconnus, sachons regarder l'inconnu, imprévu, improvisé. Thanks. comme il est loin, le temps du ciel sans cendre, il serait temps de s'entendre sur le nombre de jours qui jonchent le sol de novembre. Sais-tu que les statues de sel n'ont cessé de t'attendre pendant le mois novembre? Homme, entre le normal et le pathologique, hein, en novembre. Continuum, espace-temps, essayer, rater, essayer encore. Relativité, espace-temps, oui mais... Les musiciens ne sauraient s'attarder devant de telles considérations d'astrologie, de moi, d'éphémérie. Jamais. Nous céderons devant cet écrasant pouvoir du temps. Non, 16 temps. D'élixir de jouvence, sachant à quel sein se vouer. Essayons. Essayons encore, mettre nos corps, corps. En présence, distance. Subtile équation Donne-moi ta main, camarade, qui vient d'un pays. Les hommes sont beaux, les hommes sont... Donne-moi, camarade, qui vient d'un pays où les hommes sont... Où les hommes sont... Maison. seront camarades bientôt. Bientôt, bientôt, nous parlerons camarades. Sont beaux, où les hommes sont froids, à qui même les rois ne peuvent donner loi. Donne-moi ta main. La grande contraction s'annonce. Violence. Parler camarades, bientôt, bientôt, on pourra danser camarades, bientôt, bientôt, bientôt, bientôt. Mais quand on pourra se comprendre. Cascade. Bientôt, bientôt, bientôt, bientôt, demain, demain, c'est la terre promise. Demain, c'est bien le paradis. Maintenant, les gilets jaunes, la retraite, la démocratie. Demain, pour moi et mes fils. Demain sera la terre promise. Demain sera la terre promise. Demain sera. To my wall, to my wall, to my wall. I don't know we're bed. Wake up. Part d'inconnu accepté dans le quotidien. Ça se négocie comme un terrain conquis. Que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Comment saurais-je quand le paradis, quand mon paradis, ton paradis, mon paradis, notre paradis ne saurait. Concept, ressenti, différence entre le concept, les affects. Plus tranquille en formation, je suis plus tranquille en formation. Évidemment, on cherche des compagnons. Pour le party. Even now, maybe. Au pied du volcan. En instabilité constante. Rétrocession. Rétroactivité en action. Paradise, paradise, my paradise, your paradise. My grandfather, paradise, paradise, paradise, paradise, paradise. Entre le concept et l'éprouvé. De distance vivant et le sachant. Toi et l'église. Très vivant tout en le sachant. Les lettres de Paul. L'amour s'est perdu. C'est à nous de le créer. Et maintenant, paradise, I need to be able to make music, able to make sound. Thank you. faut arrêter de nous diviser avec des conneries. Faut arrêter de nous diviser. Des conneries. Religion, politique, frontières. Manipulez-nous mieux. Human condition. Everywhere. See. Human condition. All around the world. Masters, we are able to create local solutions au global problème. Soyons plus humbles, revenons. Longtemps, Créon a jeté son hubris sur la cité avec son ami Jupiter, les dieux et les maîtres. On les a démasqués depuis longtemps, depuis trop longtemps. Économie d'échelle. Depuis longtemps, trop longtemps, économie d'échelle. Comment Créon, comment imposer son hubris. Facile. Divertissement, entertainment for all. Ça fait croire Macron. Les macros ont pris la nation. Assassiné. C'est la fin, c'est le début. C'est la même histoire qui se répète. History is repeating. Oh yeah. Get me. No drones up in the sky today. Do you think they break my... Get mummy. No drones up in the sky today. Alexa dans la place, MacBook. IA infiltré. Putain, je viens de trouver plein de boutons sur Playbox, c'est un truc de malade. C'est un nouveau. Nouvel ordre. À nouveau. Qui veut s'imposer. Truc de fou. Truc de dingue. Nouveau paramètre. Nouvelle dimension. Truc de fou. Truc de dingue. Truc de psychore. Remonte des pieds jusqu'au cerveau. Truc de dingue. Truc de psychopathe. De faute de dire. Évoluer vers... Ah non, j'ai tout cassé, c'est ma faute. Nouvelle ère. Parce que je fais du bruit, ma coloc elle bosse demain en fait. Nouvelle... Je vais arrêter. Je pourrais devenir ta voix. Quand bientôt je ne pourrai plus chanter moi aussi. l'arche du palais. Nous étions suspendus à la décision du juge. Sur les marches du palais de justice, séculaire, combien de temps la décision du juge alors serait définitive. Alors que la vérité éclata au grand jour, révélation, catharsis, épiphanie, truc de fou, truc de dingue, truc de psy, truc de fou, moment là, truc de dingue, pression, je m'en vais 23. Dépression. 23. Joue sur la dépression. Pousse. Impression. Jeudi 23 novembre 2023 à 23h23. Comment continuer? Faire face à adversité si féroce, hostile. Comment faire face? Indifférence, hostile. Et la beauté, un regard, un sourire, sorry, I have to go. Une voix humaine. Merci. C'est la beauté. Le monde alentour, bruit de vie, d'espoir. Bisous. Bisous. See you. Bisous. À jeudi prochain. Continue with Ninja Station. Anna Gavinand and Peach. Why not? Another. invisible committee. Not just in my head. It's a new ninja session. It's a new Liberty, égalité, fraternité, les trois briques de la République. Position universelle. Réitérée maintes fois. Je peux comprendre. Difficile à entendre. Après toutes ces années. Surannées. En pratique fonctionne assez bien. Tu donnes, tu me donnes, je prends la liberté. Déjà d'aller où je veux, explorer le monde, traverser les frontières, sans a priori, espace Schengen bien verrouillé, les Américains, je t'en parle même pas. Canada, faut voir. Amérique du Sud, les mules. Vision généralisée. Sans parler de l'Afrique, l'océan Indien. Heureusement. En Chine, tout va bien. L'Empire du Levant organise la rébellion. Car on sait pas sur quel coin de la planète on est tanké. dites-moi, dites-moi où vous êtes. Ça me donnera un a priori pour juger. Dites-moi, dites-moi. N'importe quel coin de la planète. Sur des tapis volants, nous volons notre confort. Sur tapis volants, nous volons. I follow you, I need you. feeling. A priori, en veux-tu, en voilà. Non, je t'ai plus.